Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 13 juillet un message de félicitations au 27e sommet d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le destinataire a exprimé la conviction que ce sommet est destiné à discuter et à décider des problèmes pratiques pour réaliser l'intégration politique et économique du continent, la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de la région. Ce thème principal, Année des droits de l'homme de l'Afrique privilégiant les droits des femmes 2016, remportera de bons succès dans l'ardeur active de tous les participants. Il a réaffirmé la position coréenne inébranlable pour développer encore plus les relations d'amitié et de coopération avec l'Union africaine et ses pays membres et espéré que ce sommet sera une occasion importante pour assurer la prospérité et le développement continu de l'Afrique.